100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Après la victoire des Bleus, on va se mettre bien beaucoup de son dans la nocturne 100% rap français. Si vous voulez du son aussi, n'hésitez pas à le demander, hein. Hashtag la nocturne 41759, un petit SMS, vous balancez plein de messages. On va débuter avec SCH qui reste numéro 1 des ventes digitales. Son album s'appelle Anarchie, on l'avait découvert sur Skyrock. Avant l'avenue, la semaine prochaine, du Escrew entre 20h et 21h. Il y aura aussi du son du Escrew, du son Niska, je vous le disais. Et on débute avec Trop Énorme, un des morceaux de l'album de SCH maintenant. 100% rap français. 100% explicit lyrics. Mais c'est des barres, on les a fourrés, barres, qui nous est. Mes doigts en l'air, qui veut s'asseoir, putain. Haters, prends ton ticket, passe au carré, faire la faute. T'as pas l'air enthousiaste, on peut te faire un sourire au cutter. 20 004 VHR, c'est cher, on peut justifier par leur euro. Un 7 étant en haut. Y'a des vies en jeu, pas la tienne, toi t'es déjà mort, je le sais, t'as spé moi aussi. Insultant de se lever pour 1002, tu te sens pas concerné, 1003 aussi. Tu sais c'est trop énorme, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu l'horloge, t'aspect, j'ai pas grossé. On les plie en quatre à l'image en français, à cet étang, au bout de ma paire, on se conditionne les nerfs. Tu le vois en moi, si t'es solide, viens avec nous, le truc est bon, ouais. Y'a pas meilleur moment, j'ferme les yeux sur scène, je lève vers le haut. J'ai juste l'appui d'un pote, c'est mon âme. Là j'suis dans le vrai, je t'ai dès maintenant. Bah ouais, c'est trop énorme, t'aspect mon bif est mort. Non, rien qu'on pense au début. En bas y'a que des gueux, c'est mes frelons, j'avoue. Y'a des salopes dans ton route, tu crois faire mieux. Chérie, j'ai de l'inspi pour eux. T'es sûr, mais tu sais pas tout. Tu connais pas le card, mais sous elle. Fils de pute de haters, sous mes deux putains noirs. J'ai le noir et j'ai toutes les couleurs dans l'armoire, mais dehors, bébé, j'mets le noir. T'as air dans la New Year, t'es un putain de délit. Mauvais de nous enlever l'heureux, commander le teint du billet. Qu'on est sur les nerfs, tu le vois en moi. Si t'es solide, viens avec nous, le truc est bon, ouais. Y'a pas meilleur moment. J'ferme les yeux sur scène, je les lève vers le haut. Tu sais c'est trop énorme, trop énorme. Tu sais c'est trop énorme, tout est neuf. Tu sais c'est trop énorme, trop énorme. Tu sais c'est trop énorme, tout est neuf. À cet étang, ma paire en slip. J'ai juste la pluie d'un pot. Je t'ai dit maintenant, ah ouais, c'est trop énorme, t'as spé mon bif est mort. Rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. DJ Belek gère le piano. Welcome to the sun, to the sun. Bendo, bendo, bendo na bendo. Welcome, welcome, welcome. Bendo, bendo, bendo na bendo. Je déploie mes ailes comme un charo. Tu vas finir sur le carreau. Les charclos sont complètement paro. Ils sont pas carrés, ils n'ont pas rond. Oh, Manu le coq. Oh, Manu le coq. Pourquoi j'ai vendu la coque? Boupi, chantier du coq. Mon état d'esprit est glauque. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glauque. Tomber mon glauque. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glauque. Tomber mon glauque.

sinon je pars pas sans leur recours. Tu vois rien comme un selfie, de l'argent dans leur main autour. Perdu dans un arrêt, méchante, cuit, je tiens debout. 5 mois, tu isolé de suite. La nocturne. Dieu m'a donné la voix et l'intelligence. Dieu m'a donné l'attaque et puis la défense. J'appelle le fruit de l'inverse que Dieu appelle chance. En sous-effectif, je cours avec plus de vaillance. J'ai consommé l'amour à outrance. J'emmerde Jean-Marie depuis la naissance. Ainsi que sa fille Laura en temps. Moi aussi j'ai trouvé ça dégoûtant. Me seras-tu Charlie après l'automne? Selon le vent et selon l'iPhone. Regarde mes frères et je sais ce qu'ils pensent. Restera-t-il qu'à l'âge malgré l'avance? Même après la guerre je ne jette pas ma lance. À part le mépris rien ne vaut mon silence. Doté d'intelligence je n'ai pas foi en la science. Je serai plus fort si mon peuple a confiance. 8,5 au devoir n'est pas signe de déficience. Je réfléchis juste à la vraie vie et mon avenir durant mes absences. Hypocrisie camouflée sous drapeau tricolore de tolérance. Bon français, quand ça se passe bien, devant l'échec reviennent les différences. En vrai, je ne me prie à mon sombre est lâché. En vrai, gentil-moi qu'a vu plier la France, motivé depuis l'adolescence. Dieu m'a donné la voix et l'intelligence. Dieu m'a donné l'attaque et puis la défense. J'appelle le fruit de l'inverse que tu appelles chance. En sous-effectif, je cours avec plus de vaillance. J'ai consommé l'amour à outrance. J'emmerde Jean-Marie depuis la naissance. Ainsi que sa fille Laura en temps. Moi aussi j'ai trouvé ça dégoûtant. Me seras-tu Charlie après l'automne? Selon le vent et selon l'iPhone. Kalash dans la nocturne. Amoureux du son depuis la naissance. Papa joue du bob avec aisance. Humeur allumée, je sens des présences. Histoire de sorcellerie depuis l'enfance. L'histoire de mon peuple, j'en ai connaissance. Pas grâce à l'école et son insouciance. Si mon peuple était si méchant qu'il le prétend, l'Afrique ne souffrirait pas en silence. Dire que tu me tolères est signe de colère cachée. Le commissaire et sa commère avaient vraiment l'air fâchés. Le petit Mwaka est libéré, ça parle de complot anti et de bavure annonçant la sortie de CD. Ils ont des lances, ils sont noirs donc la vie devient gonflée. Ces chanteurs savent penser, oh mon Dieu, tu es les. Tu es les, tu es les, tu es les. Gentil Mwaka veut plier la France, motivé depuis l'adolescence. Dieu m'a donné la voix et l'intelligence. Dieu m'a donné l'attaque et puis la défense. J'appelle le fruit de l'inverse que Dieu appelle chance. En sous-effectif, je cours avec plus de vaillance. J'ai consommé l'amour à outrance. J'emmerde Jean-Marie depuis la naissance. Ainsi que sa fille Laura en temps. Moi aussi j'ai trouvé ça dégoûtant. Mais seras-tu Charlie après l'automne? Selon le vent et selon l'iPhone. Planète rap 100% rap français. Monsieur Papé Alonso. C'est la nocturne 100% rap français. C'est sur Skyrock. Pourquoi il fait le gros? Il est cocu. Après deux verres de champagne, je te reconnais plus. Ta musique n'est plus à la mode. Ta musique n'est plus à la mode. À 30 ans t'as pas la gova. Tu t'étonnes qu'il choisit ton pote. RS4, pas de plaque. Le flow est resté intact. L'argent salé dans le bendo. Le pop dans ma black. J'te vois petit comme Mathieu Valbuena. J'te vois petit comme Mathieu Valbuena. La nuit je trouve pas le sommeil. Je vais compter des gros culs sur Insta. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Kaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de Paki. Fais ta folle, tu payes son qui? Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Tu t'affoles, reste tranquille. Reste tranquille. Miss, miss, twerk, salement. Je le vise, vise, j'perds. Le bise, le risque, affaire illégalement. Y'a le fisc qui piste, qui reste mon compte en banque. Y'a le 666 qui t'attire diaboliquement. Les rallies glissent sous l'état politiquement. Destin Smith, Smith et Wesson, un règlement. On s'abrite vite, vite, ils sont casqués intégralement. Selon ce que tu consommes, dans le VIP on va t'installer. J'arrive en Aston, voiturier, faut pas me la rayer. Selon ce que tu consommes, dans le VIP on va t'installer. J'arrive en Aston, voiturier, faut pas me la rayer. Spike Miller, c'est mon DJ. Spike Miller, c'est mon DJ. J'fais la malade tous les jours, c'est mon birthday. Si t'es pas là, tu ne vas pas nous manquer. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Kaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de Paki. Fais ta folle, tu payes son qui? Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Tu t'affoles, reste tranquille. Reste tranquille, tranquille. Tu vas vite te calmer, reste tranquille. Tu vas vite te calmer, reste tranquille. Tu vas vite te calmer, reste tranquille. J'suis pas là pour faire du social, bas les couilles. Ma tête ne te revient pas, bas les couilles. J'pas que mes lobés dans la vodka, j'pars en couille. J'rentre chez moi, moitié rapta, j'habite où? Pas là pour faire du social, bas les couilles. Ma tête ne te revient pas, bas les couilles. J'pas que mes lobés dans la vodka, j'pars en couille. J'rentre chez moi, moitié rapta, j'habite où? J'habite où? On va rester dans le sud avec Alonso et Number maintenant. Un morceau de Number, ça s'appelle Timide, featuring Alonso. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Bonne nuit, bienvenue si vous débarquez à l'instant. Planète Rap, 100% rap français. Je n'ai jamais su faire. Tu peux me la faire oublier. Tu peux brûler toutes ces affaires. Fais pas la timide, timide, timide, timide. Fais pas la timide, timide, timide, timide. Un autre en rose. Ce que je n'ai pas su faire. Et moi la oublier. Brûle toutes ces affaires. Fais pas la timide, timide, timide, timide. Chauffer les stupes sans tabou, les VTT font leur rentre en barque pour eux. Les bouteilles se vident, se vident, se vident. Engoûté par tes belles formes. Ne sois pas timide, timide, timide, timide. Tu peux faire un effort. Un autre l'a rendu heureuse. Ce que je n'ai jamais su faire. Tu peux me la faire oublier. Tu peux brûler toutes tes affaires. Et pas la timide, timide, timide, timide. Je vais faire du sale. mal si tu respectes pas la daronne. Elle passe avant ton cul et ta poitrine en silicone. Je fais l'argent en cash, je vais mourir fauché. Faut pas qu'on se gâche, bébé, voilà, tu m'as touché. Je te veux près de moi quand je rentre pour me coucher. Je rentre dans toi, je te laisse pas le temps de souffler. Je perds le contrôle, que ça m'ichetonne. Je les additionne, jamais elle te détrône. Fais de moi un père, je te sors de la misère. Le terre-terre m'appelle, j'attends qu'on me klaxonne. Tu fais trembler tous ces cœurs mous, t'es trop bonne. Sur un deux rouge et le six couche, les arroses. Un emploi rendu heureuse, ce que je n'ai jamais su faire. Tu veux me la faire oublier, tu veux brûler toutes tes affaires. Fais pas la timide. Fais pas la timide. Un emploi heureuse, ce que je n'ai pas su faire. Fais-moi la oublier, brûle toutes tes affaires. Fais pas la timide. J'ai jamais fait de CV. Tu me cherches, je suis au QG. Non mais oh baby, jamais à l'heure au RDV. Y'a mon pote en GAV. J'fais que fuir la BAC. Mais oh baby, j'connais que les TP. J'ai jamais fait de CV. Tu me cherches, je suis au QG. Non mais oh baby, jamais à l'heure au RDV. Y'a mon pote en GAV. J'fais que fuir la BAC. Mais oh français, planète. La nocturne. On va rester dans l'ambiance foot. Roger Mila dans la nocturne, MHD sur Skyrock, 100% rap français. Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. J'ai tout pensé. Aïe. Yeah. Monsieur Mokobé. J'ai dépensé tous mes lots, plus d'essence dans la groupe. Y'a la police qui rôde, j'suis dans le futur, j'ai mon bord. Le DJ nous a plié, toute la soirée, sur la pluie j'ai cotonné. Je suis fatigué, sapé comme jamais. Mon parfum dure 24 heures, j'mange comme jamais. Casal sur le nez, j'suis prince nappé. J'ai trop dansé, j'ai trop dansé. Arrête sec. C'était notre invité cette semaine dans Planète Rap, DJ Kayz, Kaaris et Arafat dans le club maintenant. Kaaris et DJ Kayz, Arafat et Fluyamento. Comme une baloche. Tu veux boire du champagne, mot. Mais tu touches les allocs. De toute façon, moi j'ai dit pute. Ouvre ton hut que je marque un but. On ramasse les dollars, les cochons. On touche à tout ce qui bouge, même le goût de Madame Olson. Et je me bats en finesse. Du bar avec une fichesse. Pied au plancher, dans le bolide. En mon cassin, je roule sur ses bitches et leur marcassin. Maman, j'ai des ergos. Maman, j'ai des ergos. Même dans les favelas, la concurrence est calée au chaud dans le siège auto. Jamais en chien, corrompu comme un policier mexicain. J'suis juste refait, je ne t'ai jamais dit que j'étais l'homme parfait. Maman, j'ai des ergos. Maman, j'ai des ergos. Hey, maman, j'ai des ergos. La Nocturne. Il débarque dès lundi dans Planète Rap 2021. Le S-Crew a pas loupé sur Skyrock. L'album sort dans une semaine. C'est 100% rap français, 100% Skyrock, 100% Planète Rap. La Nocturne de Planète Rap. Tu me dis ça va, ça vient. Je vois que le monde du peur a sa race, vit bien. Pour les gens, on n'était pas les bâtards à chien. Avant 2010, ma musique n'avait pas la cote. Sans diplôme, me conseille de taffer à la poste. Enlève ton bob, rappeur n'est pas un job. Tu ne verras jamais le succès frappé à ta porte. Mais j'avais la tête aussi dure que les murs que je tenais. L'enfant passionné devient l'homme le plus fort. Donc aucune chute, ça fait que je n'ai pu me relever. Loser des terres, comme ça que mes potes me surnomment. Est-ce que c'est possible d'aimer la musique plus que les femmes? Ce qui me fait bander, c'est quand le public me réclame. Quand je kick, je t'inflige de multiples dégâts. Repris de justice qui critique. Que l'état, quand le feu est allumé, impossible de l'éteindre. Tu m'envies, t'as tort, de pire en pire ma gueule. Comment t'imaginer ma consommation se restreindre? 50 centimes la clope, 10 centimes la feuille, yeah. 10 centimes la feuille, c'est vrai. Ouais. Boy, c'est Stanley, Senzu, hein, check. J'ai grandi dans un petit HLM, hein. Le genre d'enfant qui ne fait que se tacher les mains, hein. Les genoux éraflés, les yeux qui louchent vers la fenêtre. J'aimais bien les bagarres de la maternelle. Certains profs me disaient qu'il fallait m'interner. Depuis j'ai appris à lire sur vos lèvres. Et tout le mépris je l'ai survolé. Tu sais la chance d'une vie est immanquable. On n'est pas des milliers dans mon cas. À l'époque des heures de colle j'étais loin d'avoir la cote. Alors je me dis que ma vie est un manga. Je me sens plus proche du dealer de S qui te vend des meufs que de celui qui rabaisse son poids devant des meufs. Ça me rend vénéneux, y'a plein d'enfants teigneux qui courent sur le fil et qui refont des nœuds. Je donne tout pour la famille, j'ai compris que personne, pas même l'avocat, ne me défendait mieux. Dans cet avenir morose je dois tenir mon rôle de témoin vocal tout en rêvant des meutes. Des gens rusés dans la rue, des teubés dans la fac. Fac. Nouvelle basket, mais je saute les deux pieds dans la flaque. Hey. On s'en rappelle quand on sait que du freestyle dans nos vies, y'a pas de grand conseil. Hey, on ne dit rien quand on sait, on attend juste le moment pour la mettre dans ton sommet. Hey, j'ai vu toutes mes flammes danser, un soir j'ai cru apercevoir mes âmes danser. Hey, obscur, j'écris comme un détenu, pour tous les diplômes que je n'ai pas obtenus. Vos clubs sont un million si je dois être nu. Mes idées ne changent pas si je suis la tête de dur. Main des mains de fois maintenues. Je pouvais pas rester les mains nues. Y'a que si c'est mon rôle que je m'en mets. Y'a que quand j'ai craché que cette pute m'emmerde. Hey, y'a pas que la nuit que je vis mon rêve. pas que la nuit que je lui montre. Papi, j'suis passé par tes parties. La pratique se fait avec les rapis. J'arrive sauvage, dans les zonards. Ça résonne jusqu'en Arizona. Ce qui se dit sur les réseaux, c'est pas le récit. Tu leur donnes raison seulement quand j'y te résine. Ose me dire que c'est la hache, t'envoies la risa. T'es paresseux, t'es la risée de Paris Centre. Je n'ai pas eu la vie rose, mais Alish, décidé de faire les choses. Partis, la Paris c'est contagieux comme la varice. Continue, c'est comme ça que tu vas vivre seul. Ce n'est pas la paix, tu vas te faire par la frais. C'est un lié, pour que tu piaffes dans l'heure. Ça va faire mal comme la fumée du cigare dans l'œil. 17 juin, c'est moi où le rap m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, tu seras viré de l'école m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, c'est moi où le rap m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, ça ne marchera jamais m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, c'est moi où le rap m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, tu seras viré de l'école m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, c'est moi où le rap m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin, ça ne marchera jamais m'avait 17 juin. Rendez-vous le 17 juin. Et rendez-vous dès lundi dans Planète Rap. Le escroc qui débarque avec l'album Destin Lié qui sort dans une semaine. On le découvre dès lundi sur Skyrock. Beaucoup de freestyle comme d'hab avec le escroc. 100% rap français sur Skyrock. Ça continue avec Sneezy maintenant. C'est le joint dans les bacs. Senzu Records. Escroc d'école. Hey. La nocturne. Action. Yeah. SNZ. Super sans les dents, ça c'est le groupe, t'es dedans. T'es dans Gadem, tu rentres de les soins, t'es dans Gadem. Tu dors pas chez toi, t'es dans Gadem. Ta meuf te déçoit, t'es dans Gadem. Tu l'as vu avec des membres de mon posi, tu t'es dit cette pute elle m'a Gadem. T'as pas d'endurance, t'es dans Gadem. La concurrence dans le Gadem. Si si la mif, le list il arrive. Noir sur noir pour le code couleur. On marche dans la rue, on dirait Didi Hadid. Je glisse dans les DM de Didi Hadid. C'est toujours les mêmes qu'on divise. Si je te baise, on finira sur tes MZ. Les tiennes sont sociales et les miennes sont divines. Toi et moi on bénéficie pas des mêmes aides. Tu montes tes bijoux sur une plage au Cap d'Agde. Pendant que mon médaillon touche à mon pénis. Je suis un bad boy, il me faut une bad gal. Viens en rock mass, tu veux voir Bagdad. Chaîne en roro comme une daronne du bled. Ils disent tout ce qui nous prépare l'album du siècle. 9 mm. J'ai validé les mecs qui détestaient perdre dans le métro en équipe comme Michael dans le bad. Chez nous c'est comme dans un four, faut rester secrète. T'as jamais fait la balance, on t'accueille dans le bad. T'iras jamais à l'étage si t'as peur d'en bas. Je comprends qu'ils fassent pas confiance vu leur squad. Plus c'est chaud, plus t'as des sueurs froides. Tu prends conscience des choses et ton cœur s'emballe. Resto à 900 balles, pour la daronne c'est le vrai bonheur. Elle me dit qu'il faut être receveur et donneur. Tu parles de grosses coupures, tu t'es juste mutilé. Tous les jours que Dieu fait c'est comme mon jubilé. Quand je marche dans Panama, ils me font d'honneur. Tout ce que t'as j'en veux le quintuple. Y'a que chez vous que ça s'insulte. Y'a pas que dans la tête qu'on m'a laissé des traces. Éducation à la ceinture. Quand on est ensemble c'est qu'on est ensemble. On est sur scène, on se transcende. On fait le bien car on ne vit pas qu'une fois. Rien ne se perd, tout se transforme. On les blague d'entrée. On s'incruste comme la plaque dentaire. Si t'es pas chaud on te lâche, on encule tous les fachos qu'on croise comme les Black Panthers. Quand ils font des gros bidons les merdes la ventre. Si t'aimes la merde qu'on cuisine on va te la vendre. Tu comptes pas ton argent, tu comptes les défaites. On vit dans un cauchemar donc on fait des rêves. Qui vivra verra, pour l'instant je me fais yesh et je me torche avec le drapeau des confédérés. Dans le chapeau j'ai fait tomber les dés. Double 6, toujours à l'infini sur le tourne-disque. Mes potos sont des gamins mais font des bébés. J'suis dans mon bolide dans le R8. T'es dans ton bolide dans le R5. J'vis ma vie à toute berzingue. Inch'Allah j'vais mourir en terre sainte. 7-5-7-5-7-5. Je mange ma Ben & Jerry cookie dough. Check ta mutuelle, je mets que des cookies bless. Je me lève tôt, pourtant j'ai des sous qui dorment. Camouflage est au point dans le hoodie babe. Tu prends des fêtes, tu te mets dans de sombres états. Quand on se fait rare, c'est qu'on se prépare. Dans la vie que tu mènes, faut être titulaire. Hamdoulilah, je suis dans le 11 de départ. Je suis même dans la liste des 23. Viens pas faire la fine bouche, t'es pas Didier Deschamps. T'es pas Dieu, pourtant tu veux guider des gens. Quand tu nous vesquies, fils de pute, tu prends ton pied. La prochaine fois, sache qu'on va viser les jambes. J'écoute Alain Souchon, j'écoute Balavoine. Mais j'suis pas dans vos délires chelous. Chez vous le toucher rectal c'est pas qu'à la douane. Voiture bélier dans la chatte à Louane. J'suis pas venu contrôler sa chenec. Mais elle était en règle, elle avait un ticket de trôme. Quand j'fais le taf j'le fais nickel chrome. T'es pas dans la place, t'es comme Finkel crotte. Gadem, tu rentres de résoir, t'es dans Gadem. Tu dors pas chez toi, t'es dans Gadem. Ta meuf te déçoit, t'es dans Gadem. Tu l'as vu avec des membres de mon posi, tu t'es dit cette pute elle m'a Gadem. T'as pas d'endurance, t'es dans Gadem. La concurrence dans le Gadem. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu en toi plus que tu ne sauras jamais m'en faire voir.

Lundi sort la nouvelle série 7. Tu vois, ne t'inquiète pas. Et si t'as peur, il y a le 17. Alors ne t'inquiète pas. Si la détresse enflamme la terre, jusqu'à voir des jeunes commettre l'impardonnable, des familles innocentes sous les feux de la guerre. Et non, ton village ne sera même pas nommable. Des serreux en calage qui se cachent derrière Dieu contre la foi de l'autre. Des forces impérialistes qui bombardent des enfants, des vieux au nom des droits de l'homme. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-nous te bercer à voix basse. Laisse-nous te raconter des histoires. Laisse-nous réfléchir à ta place pendant que tu te divertiras. Laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète. T'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir à... Ne t'inquiète pas si le ciel devient rouge, si les cœurs deviennent braises, si pour des guerres d'égo le sang coule. Et si aucune parole ne se pèse, si partout sur le globe l'injustice béante fait croître l'esprit de vengeance, l'amour et la lumière de l'âme. Mais qui a conscience de ce que le manque d'amour engendre? Mais ne t'inquiète pas, le business est bon, on compte le monde en 10 chiffres. Jouer à la guerre, c'est bon pour les comptes. Et en temps de crise, les riches enrichissent. Peu importe les cris de détresse qu'on étouffe, à coups de matraque, à coups de machette. Des femmes, des enfants, des dictats, des paramilitaires, des organes, ici-bas tout s'achète. Mais ne t'inquiète pas, si l'âme du monde crie de douleur, le monde changera quand 51% de l'humanité incarnera l'amour de tout cœur. Pas un hasard si homme de pouvoir incite implicitement à la haine de l'autre. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Et qu'est-ce qu'on inventerait pas pour dissimuler sa soif ou tourment? La culture de la violence se propage, elle fait des dégâts de cause à effet. À quoi s'attend-on quand les armées, le sang inspire l'art d'un peuple en général? Si tout ce qui est vénéré est tout sauf vénérable, ce que ça peut générer dans un monde exécrable, frustré et excédé. Facile de perdre l'éclat, de péter des câbles et d'un jour de rejoindre des cœurs de glace. Te demande pas pourquoi on réfléchit pour toi. Consomme sans voir et qu'on fonce vers un trou noir. L'âme d'humain crie de douleur, personne ne veut voir. Baisser la tête et un jour sans mordre les doigts. Ne t'inquiète pas. Si la plaie a le visage de l'indifférence, si on crée des barreaux juste en légiférant, aucune humanité jusqu'à l'indigestion. Divertir rime avec diversion. La haine engendre la haine, le sang engendre le sang. Sécurité musclée pour instaurer la paix, difficile d'en comprendre le sens. Mais ne t'inquiète pas, si des monstres de verre s'érigent vers le ciel comme pour surveiller nos vies, nous cachent en plein jour l'horizon et le soleil et nous lèvent les étoiles de nos nuits. Somnambule rigide, on se renferme sur nous-mêmes, on se bloque paradis des momies. Handicapé émotionnel, on se brûle dans la colère, on se brûle dans l'euphorie. Laisse-nous te percer à voix basse, laisse-nous te raconter des histoires. Laisse-nous réfléchir à ta place pendant que tu te divertiras. Laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète. T'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir avec. Planète rap. 100% rap français. What up boy boy? Tu connais les bails ma gueule. Jarod. Tu connais les bails ma salope. Qu'est-ce qui se passe? Putain je suis en place. Fonce jamais la passe, j'avoue que je m'en passe. Ils connaissent le blaze, ils connaissent les phases, ils connaissent les phases, ils galopent ses nazes, ils galochent des trappes, elles fous j't'écrase. Minus. Les menottes me servent, l'OPJ s'excite mais jamais je donne. Gava lève ton verre, il est l'heure de prier pour les hommes. Il est sur les nerfs, il est bon qu'à prier pour des hommes. Je suis la voix de la guerre, Gava contre les victimes dans la zone. Zoulou rêve d'une rafale sur les decks, Zoulou veulent ma tête, Zoulou veulent ma tête. Zoulou veulent m'enlever le respect du tchèque, Zoulou font de la peine, Zoulou veulent mon grec. Pas la peine on va te faire taire, Paname c'est petit comme ta huc. Ouais, dans la rue tu fais le gangster, avec les meufs c'est Donald Duck. Ton carré vip ça un sec, avec ta mère c'est Picsou. Ouais, Paname, Paname, Paname, Paname. 19ème ça dit le coup. Mets le son mon Gava, mets le son ça tue. Cité du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Même sur ça tu. Tu connais les bails ma gueule, tu connais les bails ma salam. Salut, salam, shalom, galam, j'arrose. J'casse des gueules, il m'appelle Jarod. Sors le tech 9 arrose en l'air. Lâche le rinté, je le récupère. Sors le tech 9 arrose en l'air. Voilà, Vipin, santé, Oli, Floyd, Pen, Nanterre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Toi t'es mon fils. Putain j'suis en fort. Ouais. Putain j'suis en fort. Fort. Putain j'suis en fort. Ouais. Putain j'suis en fort. Fort. Sors le tech 9 arrose en l'air. Sors le tech 9 arrose en l'air. Rappelle ton marabout. Ça n'a pas marché. RQT un 9 zou, Valdé 4 quarts babouné. J'suis un animal dans les moments d'inspi. Ouais. Tu connais les bails, j'suis pas là, c'est que style. J'ai une tech de malade et j'évolue dans le style. J'suis un homme pas de salade, on est connu dans le tir. Je ne parle pas sur toi. Non, tu t'es matrixé. Dans tous les cas, t'assumes pas. Pardon, je voulais pas te blesser, je n'ai pas fait exprès. Mon nom est Dexter, je suis un putain d'expert. J'allume à la caisse claire, je suis bouillant, ils espèrent me retrouver par terre. Tu sais comment passe terre, dédicace à Fusner. Dédicace, John Wayne, Bruce Wayne. C'est des bavons, je fais les bails, je les ken. Frime, font les gravons. J'en ai marre de vous, j'en ai marre de voir la France à quatre pattes par terre. J'en ai marre du zoo, j'en ai marre des allers-retours du ping-pong de Nanterre. Phénoménal, y'a quoi? Quitte mon monde tous les jours, en l'air, votre comportement mangeaille. Je les baise, ils te demandent par derrière. Tu sors le machin, pas de problème, on sort le machin. Tu sors le machin, pas de problème, on sort le machin. Tu connais les bails, ma gueule, tu connais les bails, ma salope. Salut, salam, shalom, galop, j'arrose. J'casse des gueules, ils m'appellent, j'arrose. Sors le tech 9, arrose en l'air. Lâche le rinté, je le récupère. Sors le tech 9, arrose en l'air. Voilà, vite ma santé, Oli, Floyd, pas une Nanterre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Snap, snap, snap. Tu fais l'ancien, toi t'es mon fils. Putain, j'suis en fort, ouais. Putain, j'suis en fort, fort. Putain, j'suis en fort, ouais. Putain, j'suis en fort, fort. Sors le tech 9 à rose en l'air. Sors le tech 9 à rose en l'air. J'suis avec Brad, tu connais le bail, Gava, tu n'es pas de taille, on te vole ton Vélouz. On m'appelle Mike, Fabelekman, j'ai du mal avec Watt, si je pèse, tu m'épouses. Sale pute, tu mastiques, le manche, tu danses, je plastique, t'es en gym, point l'escu, le casting te branche, tu colles, tu lâches, appe la branche. Zoulou ne balance pas la team, Zoulou ne balance pas la team, Zoulou ne balance pas la team, Zoulou tu mens, tu paradis. Sors le tech 9 à rose en l'air. Lâche le hanté, tu vas rien faire. J'les entends, Jacques, t'es, j'envoie la dose. J't'ai vite foiré, j'tire pendant que tu coffres. J'suis à fond dans la zik mais j'lève notre job. J'ai pas peur de mourir pour la cause. J'ai pas peur de m'opposer aux autres. J'ai pas peur de péter contre le système. Tu connais les bails, on fait manger la zone. Tu connais les bails, J'arrive, vous snare. Sors le tech 9 à rose en l'air. Voilà, vite ma santé, Oli, Floyd, pas une Nanterre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Vous snare. Tu fais l'ancien, toi t'es mon fils. Damso dans la nocturne, 100% rap français. PNL juste après. Ça te charge, j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Si je suis au sol, c'est que je tapais des pompes. Je consulte mon solde, je règle mes comptes. Hey, ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser. J'ai un gros nez, je suis immunisé. Concert Bercy, Nero, Nemesisé. Je balance ma piste sur les Champs-Elysées. Trop défoncé, je sais plus ce que je disais. Je vais dans le nid que ta mère à la pute. Faut que ton 2000 salaire rebrousse. Je suis dans le texte d'Amso, Dempsey, sabre laser, Skywalker, Luke. Je la prends le bras, elle crie par la fenêtre. Lubrifiant, pépère, senteur, musc. Ils montent des sauts dans la haine, je médite. À l'hosto, je me faire sucer par Grime et Reddit. Joue contre Bilbao, je peux faire que la diff. Le rap prend ses KO en un seul fils. Bruxelles V. Tous les jours, je roule un play. Douce et doux, Gordon V. Bruxelles V. Bruxelles V. Tous les jours, je roule un play. Douce et doux, Gordon V. Je me sens au-dessus des autres comme une kippa. Je crois ni en l'amour ni en Vita. Je creuse les cartes comme les cuisses de Nikita. Si t'aimes pas, c'est que je rappe ce que tu ne vis pas. Après coup de feu, prière et de récita. Trop balèze, donc le négro palpita. Les émirats n'ont que faire ta visa. Tout comme le rap n'a que faire mon Elisa. Je connais qu'un seul king, c'est Martin Luther. Enfonce pas tranquille, coup de feu, je n'ai plus peur. Je partirai jamais comme la tâche de Jean-Louis Crashman dans les 12 coups de 12 heures. Barou derby, oui, je suis un voyou. Je suis un grisoli, tu n'es que balou. Tu bouffes chez Eski, je bouffe chez Mère Malou. T'es flingué comme un fit, débrouiller les garous. V, Bruxelles V. Bruxelles V. Tous les jours, je roule un play. Douce et doux, Gordon V. Bruxelles V. Bruxelles V. Tous les jours, je roule un play. Douce et doux, Gordon V. J'suis dans sa schneck, j'y vais mollo. Va prendre cher, toucher le gros lot. J'balance la sauce sur cette race au punk. Son mec a cru que c'était une colo. Ils t'ont grillé en soirée homo. Qui m'aime, like ou me follow. En solant, j'déplace toute la ville. Premier qui fait de sa gueule, j'l'éclate 3 secondes chrono. Tu fais l'ouf, mais tu connais rien. Je vais fermer ta grande bouche de collégien. Ma teub dans le cul, celui de ta run. Tu vas faire quoi? J'ai un gun dans les mains. Comme Zora Hairston, j'vis de ma plume. J'vais rien à personne comme quand j'avais pas de thune. J'ai pollué tes ovaires juste pour te baiser sans protection. T'en vas sexto, mais jamais t'assumes. V, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un play. Douce et doux, pardon, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un play. Douce et doux, pardon, V. Dance, dance. Ouais. Yo. Capital 9 de un nouveau flow noir. Fontes V. Fontes V. Yeah. Très faible, veuillez la recharger. Damso dance. C'est bon. Cent rap français, planète. La nocturne. Oh. Y'a rien à faire, c'est comme ça. Rien à faire, c'est comme ça. Moi j'suis dans la vallée du Rhul. Pierre sale, j'construis la casa. Pardon la ville. J'saurais jamais qui j'voulais être. J'saurais jamais qui j'voulais être. Pardon la ville. Pardon. Tant que je compte les billes en mètres. Je fais des sons, je parle les plus élèves. Je brûle mes souvenirs, j'éclaire le bénéf. Cœur de billet, j'attends qu'on me crève. Et sur le vendeur, c'est toujours Casper. Y'a assez de couilles pour leur faire la guerre. Pas assez de cœur pour sauver la terre. Ouais, je mets les couilles, je vends plus. Le rat est jalouse, ma peine. C'est oublié en bas. En haut, je me rappelle de toi. J'suis la folle dans ma chambre. Tiens, roule ça que j'm'envole. Ting, ting, ting. Bah ouais, j'fume ma drogue. J'calcule pas mon fun. Faut que j'recompte ma somme. Ting, ting, ting. Troisième œil comme Tenchin 1. J'vous suis vif comme Nakata. J'mets plus linge sale dans le kappa. À fond dans Panam. J'fonce la banane. Pec dans le hammam, ham, ham, ham, ham. Toute la tête avec un pet, pet, pet. Un cachet, j'te montre ma tête, tête, tête. QLF sur la plaquette, get, get, get, get, get. Grosse de puche ou pas la Rihanna. J'suis un requin, j'suis pas un piranha. Va te rendormir, ta j'n'ai qu'en pyjama. Ouais, ouais, fuck la zère, zère, zère. Ça, toi t'es vert, vert, vert. The world m'appartient, hein, tant qu'on les sert bien, hein, montre-moi ça me convient. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Je veux le fenda. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Le genda. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Prends tes oreilles, mon pote, on est motivé. Monte le son de l'instru, mon pote. Génération 87. Hop.

toi qui me danses, babe. Fais ta danse, c'est ma fille ou le diable. Oh my god, fais ta fucking danse, babe. C'est ma fille ou le diable. Fais ta fucking danse, babe. J'ai des bitches dans ma ville et des bitches dans ta ville, yeah. Party tous les week-ends, c'est un fucking dream, yeah. Pareil, t'es la bitch de la ville, yeah. Qu'est-ce que t'aimerais prendre, baby? Qu'est-ce que t'aimerais prendre? J'aime la bitch quand elle est bonne. J'aime la viande quand elle est bonne. Oula dans la bouche, baby. Comme si j'étais George. J'ai des filles, j'ai des drogues. J'ai des drogues. Qu'est-ce que t'aimerais prendre? Dis-moi ce que tu prends, babe. Qu'est-ce que t'aimerais prendre, babe? Avant le lever du soleil. Fais ta fucking danse, babe. Fucking dance, babe. C'est la fille ou le diable. Fucking dance, babe. De quoi t'as envie? De quoi t'as envie? Baby, dis-moi de quoi t'as envie? De quoi t'as envie? Baby, tu sais que t'es pas ma momie. Le diable m'a maudit. Baby, maman, je suis qu'un OG. De quoi t'as envie? Yeah. De quoi t'as envie, je les baigne. Tu me donnes envie de t'emmener, babe. J'aime quand tu cries pour moi, babe. Yeah. Tout ce qu'elle veut, c'est d'un jeune négro riche qui la baisse comme elle en a envie. De quoi t'as envie, je les baigne. Yeah. Je les baigne. J'ai des bitches dans ma ville et des bitches dans ta ville, yeah. Party tous les week-ends, c'est un fucking crime, yeah. Pareil, t'es la bitch de la ville. Qu'est-ce que t'aimerais prendre, babe? Avant le lever du soleil. Fais ta fucking danse, babe. Fais ta danse. C'est la fille ou le diable. Fais ta fucking danse, babe. Fucking dance, babe. C'est Pramza. Dans mon cœur, je suis prêt à me faire suriner. de chaos en deux coups, mandat sirène. C'est rebusté, ruine à Marbella. Leur famille mange, imitation, lutte là. Je vais dans le futur, chercher l'almanach. Chiffre gagnant, villa pour la maman. Partout dans les rues de Paname, fermez vos gueules. J'suis dans le club, pourtant les videurs ont grillé mon gun. Épargnez-moi les dictons, envoyez-moi les biftons. Tous les chemins qu'est à Rome, tous les GPS mènent au crypto. Dites-nous à Easter, merci beaucoup. Dites-nous au traiteur que j'ai l'appétit de Sangoku. J'ai pas besoin de prendre un rail pour faire un truc de fou. J'ai pas besoin de me faire tatouer. Je me souviens de tout. Mérite des disques d'or, ok me fais pas la leçon. Sous le capot des centaines de canastons. Nique sa mère, le succès d'estime. Je peux plus revenir en arrière, j'ai trop investi. Je suis pas un voyou, juste un mauvais garçon. Mauvais garçon, mauvais garçon. Qui se laisse pas marcher sur les pieds ni mettre la pression. Mauvais garçon, mauvais garçon. On n'est pas des voyous, juste des mauvais garçons. Mauvais garçon, mauvais garçon. On se laissera pas manquer de respect ni mettre la pression. Mauvais garçon, mauvais garçon. Allez, c'est parti, session nocturne, session classique de la nocturne. Coup d'envoi avec la FF Funky Family. Dieu, ma mère, FF, mes enfants et moi-même, mes frères. Ceux qui remplissent nos salles de concert, ce public qui se fie à la sincérité de nos disques. Je peux pas prétendre tout comprendre ou tout connaître. Je parle que de moi, de ma vie, de façon honnête. Je mérite pas la Légion d'honneur pour narrer ce qui se passe autour. Respect une fois de plus à tout ce qui m'entoure. Merci à tout ce qui me donne force et amour. Quand je suis à court, à tout ce que je saoule et qui en demande encore. J'aimerais avoir les moyens de faire plus, pouvoir vous dire plus, mais aucun de nous n'a la science infuse. Parfois j'aimerais te parler d'autres choses que de fric, de cul, d'histoire de drogue à la conflit de rue. Même quand je divague, je retombe sur mes pattes en deux deux, retour à la case départ. Je parle de quoi? De filles, de flics, de descente, de flics, de brinks, de banque. Chaque fois que mon stylo pleure de joie, de douleur, cet encre c'est un peu de mon sang qui se vide, même s'il n'en a pas la couleur. Buenos dias, faites ce que bon vous semble. Écoutez, ouais, c'est ce qu'on ressent. Ceux d'en bas comprennent car ce qu'on vit se ressemble. Lyrique sans tension, ça parle de filles, fric et descente. On parle de ça et de ce que nous sommes. Ça va durer jusqu'à ce que l'heure de notre mort sonne. Toi qui es de la zone, tu le sais, le sang. L'émotion prend le pas sur la raison comme l'alcool sur le sang. Là où je vis, ça parle de pute ou de fille clean. De gauche, on est moins le kiki, même de Lil Kim. De ce qui dirige le monde, le liquide, le blé, est-ce qu'on l'aime? Wicked, lorsqu'on cause, ça part dans tous les sens. De l'heure où l'alcool nous décompose à celle des descentes. Des enquêteurs de la crime, est-ce qu'il est descente? Si t'es plus sur terre, c'est le moment de redescendre. Qu'est-ce qu'on fait? On rit, drink, pin, fume, trim, crack et rime. En venant chez nous, tu te demanderas où c'est que tu atterris. Dans un énorme asile au cœur de la vraie vie. On parle de... On cause de... Ça parle de... Ça cause de... On parle de quoi? On cause de quoi? Ça parle de quoi? Ça cause de quoi? On parle de... On cause de... Ça parle de... Ça cause de... Ça parle de filles, flics, descente, fric, brink, c'est banque. Qu'on a besoin que de drink, papier, shit et encre. J'arrive habillé pas très chic mais je rentre. Et quand je ris, tu crois que c'est un tox en pleine crise de manque. La lune brille et les soucis te hantent. Tout le vice te tente, c'est que nos vies surpagent. Que le son se propage. Imagine si on sort tout un matos militaire. Tu mets ça dans la rubrique sport au fait d'hiver. Le réel c'est pas les séries policières ou les infos. Je voudrais niquer la fille du commissaire dans sa Twingo. Tête dingo, sans flingo, cherche les lingots d'or. Sache lingo max, chasse quand le gringo dort. Tu te sens mal ou tu salives? Tu te sens seul et tu balises? En pleine nuit on arrive, mon armée de salauds, salut. Rien à

la force. Planète Rap. 100% rap français. S'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous pardon, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus, caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la ville s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, toute cette merde est réelle, donc on se battra encore, c'est la malade libra, qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, subutex injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque, que les mômes rentrent tôt, ils s'apprennent la ruse, dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud, les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est rose ici, la grisaille demeure, dans les cœurs meurtris, qui a petit feu meurt, ne pleure, reprends ma sœur, car tu portes le monde, noble est ton cœur, prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards, qui voudraient te voir triste, même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste, homme s'est construit son monde, apprenti créateur, qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur, Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond, qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion, maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre, dans la marche et la rage, bastion des galériens, ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien, prends conscience de mon frère, reste près de ton cœur, méfie-toi du système, assassin et menteur, éloigne-toi de la haine, qui nous saute tous au bras, humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix, la lumière s'y trouve, la lumière est rentrée, vérité en nous-mêmes, fruit de la création, n'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission, dernière génération à pouvoir tout changer, la vie est avec nous, n'aie pas peur du danger, alors levons nos voix pour ne plus oublier, bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller, tous frères et sœurs, reformons la chaîne, car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair, retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève, une lueur suffit à faire fondre les ténèbres, s'essouffle ce temps, une odeur de soufre, la faim se ressent, la bête envoûte, la foule, les symboles s'inversent, se confondent les obsèques, l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel, terre à l'agonie, mal-être à l'honneur, folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur, ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choqué par l'horreur, formé à la survie, l'époque, le pire, une part des conséquences, le bien,

expose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Patron s'emporte, terre, kilo, terre et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon père de tronche. Et si on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises. Mon rap guide les lascars comme Moïse sur la pierre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés, mon clan ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vif à la casus clé. Un vif, kiff, mon riff, fait du scout, volta. Pose ton col, touche ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens car la famille y'a ça qui compte. T'en fais mon intérêt à la surface, ma clé. Que toutes les lascars se bougent, que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le micro arsenic est dans la pièce. Encaisse et danse, laisse roule avec mon secteur. Allume tes feux, craque, allumette fais feu. Sur le beurre à faire demi pas, de mouille pas là-dedans et vite ça brille pas. La peine de te faire remarquer, chic de la mec te grille pas. Te mêle pas de salette, nous foutre le souk. On va changer le beurre à le disque, même en foutre au souk. Arsenic donc chez les gosses, ça part en vrille, brille. Les guides tombent, on s'en bat, c'est d'une affaire de famille.